votre âme suprême. Ramenez-moi, ramenez-moi, redonnez-moi l'envie. Non, je ne veux pas basculer dans l'oubli. Il s'en faut de si peu pour que la vie dégringole. Y a tant de gens heureux qui se fanent et s'envolent. Et si rien ne vaut plus le moindre sourire, on n'est pas trop perdu quand quelqu'un va partir. Pour éteindre la flamme, cette folle affamée, je m'écris corps et âme devant l'éternité. Ramenez-moi, ramenez-moi, redonnez-moi l'envie. Non, je ne veux pas basculer dans l'oubli. Quand viendra la bonne heure, si je m'en vais vraiment, avant que je ne meure, accordez cet instant. De ce monde enfermé, que l'angoisse me quitte et me laisse apaiser. Ramenez-moi, ramenez-moi, je ne veux pas de répit. Non, je ne suis pas aussi forte qu'on dit. Je veux pas chavirer, aspirer par le feu dans ce vide encombré, peuplé de gens heureux. Ramenez-moi, ramenez-moi, je promets d'être en vie. Oh, pardonnez-moi de n'avoir pas compris. Ramenez-moi, ramenez-moi, je reviens, c'est promis. Ramenez-moi, ramenez-moi, je suis encore en vie.